الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous arrivons au quatrième point, au quatrième chapitre concernant le jugement religieux relatif au fait de se conformer et de s'affilier à la salafia. Tout musulman s'orientant vers la Mecque pour prier, Allah récite dans ses prières, qu'elles soient obligatoires ou pas, la sourate Al-Fatiha. Parmi les versets constituant cette sourate, on compte celui dans lequel Allah a dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur la voie droite ». Ainsi, il demande à Allah de le guider sur la voie droite. Mais quelle est cette voie droite sur laquelle nous demandons à Allah de nous guider? La réponse, les explications qu'ont apportées les gens de savoir à ce verset sont relativement proches. Et Abu al-Aliya, Ar-Riyahi, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous les a résumés. En effet, l'imam Ibn Jarir a recueilli dans son exégèse, avec une bonne chaîne de transmission, que Hamza ibn al-Mughira a dit, j'ai questionné Abu al-Aliya à propos du fait qu'Allah a dit, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Il a répondu, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons qui l'ont suivi, Abu Bakr et Omar. Hamza ajouta, puis je suis allé voir al-Hassan et l'en ai informé, c'est-à-dire qu'il voulait son avis. Hamza est allé voir al-Hassan pour obtenir son avis concernant la réponse d'Abu al-Aliya. Al-Hassan répondit, il a dit vrai, et t'as été de bons conseils. Donc si tu veux qu'Allah te guide sur la voie droite, attache-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à celle de ses compagnons, à leur tête les califes bien guidés, et en premier lieu Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. À ce propos, l'imam Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre « Dhamm al-Ta'wil » « C'est parce qu'il est sur la voie droite que celui qui emprunte son chemin emprunte forcément cette voie droite. Il nous est donc obligatoire de le suivre et de s'arrêter là où il s'est arrêté et de s'abstenir de se prononcer à propos de ce au sujet de quoi il s'est abstenu. » Le cheikh de l'islam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Bada'i' al-Fawa'id, la 20e question, donc il a abordé un certain nombre de points, un certain nombre de questions, et il en est arrivé donc à la 20e en disant, quelle est la voie droite? Notre réponse sera brève car, bien que les explications qui en ont été données soient diverses, sa réalité est unique, la voici. C'est la voie qu'Allah a tracé pour ses serviteurs par l'intermédiaire de ses messagers et qui leur donne accès à son agrément, sachant qu'ils n'ont de toute façon aucune autre voie qui y mène, si ce n'est elle. Plus encore, toutes les autres voies sont obstruées sauf elle. Elles consistent à affirmer l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire adorer exclusivement Allah, et de ses messagers dans l'obéissance. C'est ainsi que l'unicité d'Allah est exclusivement affirmée, de même que le messager sallallahu alayhi wa sallam est exclusivement suivi. Fin de citation. Partant de ce que nous avons précédemment exposé de manière résumée, quelle est la valeur religieuse, quel est le jugement religieux relatif au fait de suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons ridwanullahi alayhim? C'est une question, la réponse et que c'est obligatoire, sans aucun doute, et les preuves à ce propos sont nombreuses dans le Coran et la Sunna si tu analyses attentivement. Et c'est là un point très important qui peut vous paraître évident. Mais si le cheikh s'est attardé dessus, et si il a développé ce point comme nous allons le voir, c'est qu'un certain nombre de personnes à notre époque émettent des doutes à ce sujet ou viennent minimiser de l'importance de cette chose-là, parfois en tenant des discours ambigus dont la fausseté n'apparaît pas forcément directement à la personne qui les entend. Certaines personnes disent, par exemple, c'est une parenthèse, certaines personnes disent que, effectivement, nous devons suivre les pieux prédécesseurs de cette communauté. Mais si nous devons les suivre, c'est du fait de notre faiblesse en matière de savoir. En apparence, on pourrait penser que la personne qui tient ce genre de propos, au final, considère que c'est obligatoire de les suivre, et que deuxièmement, elle fait preuve d'humilité en disant que c'est dû à une faiblesse dans le savoir. Mais en réalité, ce discours-là ouvre la porte aux personnes qui, imbues d'elles-mêmes, pourraient penser être dans la capacité de se dispenser, de s'en référer à la compréhension des plus prédécesseurs de cette communauté. Et combien les individus étant imbus de leur propre personne peuvent être nombreux, en arrivant même jusqu'à ne pas tenir compte de la compréhension des plus prédécesseurs, voire même parfois à les dénigrer de manière directe ou indirecte. Si nous suivons les pieux prédécesseurs de cette communauté, si nous nous en référons à leur compréhension des textes de la religion, c'est du fait que c'est une obligation religieuse établie dans les textes du Coran et de la Sunna. C'est là quelque chose de très important. D'autres personnes disent, nous comprenons le Coran et la Sunna en nous inspirant de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, en nous inspirant. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ce qui nous est demandé, c'est de nous conformer à la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, pas de nous en inspirer uniquement. Car quand tu dis que tu t'inspires d'une chose, ça signifie que éventuellement tu vas prendre certaines choses et en laisser d'autres. Tu vas t'inspirer. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Religieusement parlant, il t'est demandé obligatoirement de te conformer à la compréhension des prédécesseurs de cette communauté. Donc la réponse à la question qui a précédé, quel est le jugement religieux relatif au fait de suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons, ridwanullahi alayhim, c'est que c'est obligatoire sans aucun doute et les preuves à ce propos sont nombreuses dans le Coran et la Sunna si tu analyses attentivement. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, y a même consacré un chapitre entier et très instructif dans son livre d'exception intitulé « I'lam al-Muwaqqi'i ». Il y évoqua donc l'obligation de suivre les compagnons parmi les pieux prédécesseurs. Je citerai ici certaines des preuves avancées parmi celles-ci. Le fait qu'Allah a dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et si tous deux, ça vise les parents, et si tous deux cherchent à te forcer à m'attribuer un associé ou à m'associer ce dont tu n'as forcément aucun savoir, alors ne leur obéis pas, mais sois leur de bonne compagnie ici-bas, et suis le sentier de ceux qui reviennent repentants à moi, vers moi ensuite et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Sourate Luqman, verset numéro 15. Cela est un argument dans le sens où, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, cela démontre d'ailleurs la grande compréhension qu'il avait de la religion, et elle n'est octroyée qu'à ceux qui font preuve d'endurance. Tous les compagnons sont repentants vers Allah. Il est donc impératif de suivre leur voie. Or, leurs paroles, actes et croyances en font partie à part entière. La preuve de ce que j'avance est qu'Allah l'exalté les a guidés. Il veut dire à l'islam. Or, Allah a dit « وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب » et il guide vers lui quiconque revient repentant. Et il nous est ordonné de suivre le sentier de ceux qui reviennent repentants à Allah, Azzawajal. Vous vous en souvenez certainement, étant donné que dans le verset qui a précédé, le verset de la sourate Luqman, le verset numéro 15, Allah Azzawajal a dit, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Et suis le sentier de ceux qui reviennent repentants à moi. Et les compagnons sont par excellence de ceux qui reviennent repentants à Allah Azzawajal. Ils sont bien guidés et nous devons les suivre. Allah a dit وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُنِيبِ Et il guide vers lui quiconque revient repentant, surat Shura, verset numéro 13. Deuxièmement, Allah a dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent. Pureté à Allah, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. Surat Yusuf, verset numéro 108. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Allah, pureté à lui, a donc informé du fait que quiconque suit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, appelle à Allah. Et quiconque appelle à lui avec clairvoyance, doit être suivi conformément à ce qu'il a également dit. Lorsqu'il mentionna l'appel que certains djinns adressèrent à leur peuple, et que d'ailleurs, il agréa, « Ya qawmana, ajibu da'i Allah, wa aminu bih. » Ô peuple, répondez à celui qui appelle à Allah, et apportez foi en lui, surat al-Ahqaf, verset numéro 31. En effet, celui qui aura appelé à Allah avec clairvoyance, aura appelé à la vérité tout en étant savant à son sujet. Or, quiconque transmet les règles qu'Allah a fixées, a au final appelé à lui, obéir dans ce qu'il a ordonné et interdit. Et les compagnons, radhiyallahu anhum, ont quant à eux suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les suivre dans leur appel à Allah, nous est donc obligatoire. Les suivre dans leur appel à Allah, nous est donc obligatoire. Troisièmement, dans ce même registre, Allah a dit, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Celui qui se cramponne à Allah a certes été guidé vers une voie droite. Surat Al-Imran, verset numéro 101. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, nous argumentons à l'aide de ce verset en disant qu'Allah l'exalté a informé du fait que ceux qui se sont attachés à lui ont été guidés vers la vérité et que les compagnons, ridwanullahi alayhim, se sont attachés à lui. Nous affirmons donc qu'ils sont bien guidés et que leur suivi est de ce fait obligatoire. Vous avez donc certainement saisi ici la raison pour laquelle le Cheikh fait mention de tous ces textes et de toutes ces paroles. C'est pour mettre en évidence, sous différents angles, l'obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté, de se conformer à la voix des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, Allah a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui soit clairement apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination sera Al-Nisa, verset numéro 115. Yirhamukallah. Le lien entre ce verset et le sujet que nous traitons a été mentionné par l'imam Ibn Qudama dans Dhamm al-Ta'wil. En effet, il a dit que celui qui aimerait être avec les prédécesseurs dans l'au-delà, et que lui soit promis ce qui leur a été promis comme paradis et agrément, les suivent donc convenablement. Quant à celui qui suit autre que leur chemin, il sera alors inclus dans la généralité de la parole d'Allah l'exalté. Puis il cite à ce verset de la surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui soit clairement apparu. Dans ce même livre, il a également consacré un chapitre à cela, et il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, deuxième chapitre concernant l'obligation de les suivre. L'incitation à rester fidèle à leur voie, et à emprunter leur chemin. Cela exposé à partir de textes tirés du livre de la Sunna, et des paroles des imams. Ensuite, il mentionna parmi les preuves coraniques, le verset de la sourate An-Nisa cité précédemment, puis il dit, il a donc annoncé que la menace liée au suivi d'un autre que leur chemin, c'est-à-dire autre que le chemin des croyants, est le châtiment de la géhenne, tandis qu'il a promis son agrément ainsi que le paradis à quiconque les aura suivis, en disant « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont convenablement suivis, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès sur la Tawba, verset numéro 100. Il aura donc annoncé son agrément, son paradis et l'immense réussite. Parmi les textes qui peuvent être avancés également, ce cinquième texte, savoir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith d'Al-Irbad ibn Sariyah. Soyez donc fidèles à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Et méfiez-vous avec vos molaires. Et méfiez-vous des choses inventées en religion. Car toute hérésie est un égarement. Ce hadith a été recueilli par les auteurs des sunnats et il est authentique. Cela est un argument dans le sens où, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a donc fait le rapprochement entre la sunna de ses califes et la sienne. Et il ordonna de la suivre comme il le fit pour la sienne. Et plus encore, puisqu'il ordonna d'y mordre avec les molaires. Sachant que cela inclut aussi bien leur fatwa que ce qu'ils ont instauré pour la communauté. L'imam Ibn Qudama a dit dans Dhamm al-Ta'wil, il a donc ordonné de s'attacher à la sunna des califes bien guidés de la même manière qu'il ordonna de s'attacher à sa sunna. De même qu'il a informé que les choses inventées en religion ne sont qu'hérésie et égarement. Cela correspond à ce dans quoi ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni la sunna de ses compagnons n'ont été suivis. Il est deux textes très importants qui sont relatifs au sujet et qu'il est opportun de mentionner ici. Le premier, c'est cette parole de l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi dans son livre intitulé Al-Radd ala al-Jahmiyya, en réfutant le discours de certains hérétiques au sujet de la vision d'Allah. Au sujet de la vision d'Allah, vous n'êtes pas sans savoir que les croyants verront leur Seigneur souverain le jour de la résurrection. De même que vous n'ignorez pas le fait que certains hérétiques en sont arrivés à nier cela. Et c'est justement à ces hérétiques-là que l'imam Darimi a répliqué dans ce passage de son livre « Al-Radd ala al-Jahmiyya ». Il a dit « Il a réfuté donc ici la parole de ces hérétiques qui disent « Nous n'acceptons pas les récits relatifs à ce sujet et ne les considérons pas comme arguments ». Il leur appliqua en disant, je dis, vous n'acceptez même pas le livre d'Allah. Voyez-vous, si vous ne les acceptez pas, douteriez-vous du fait qu'ils sont transmis par les prédécesseurs et que ces derniers les tiennent des plus éminentes et instruites personnes, génération après génération? Ils diront non. Nous dirons alors, le fait que vous attestiez de cela contre vous, nous suffit donc en tant qu'argument prouvant qu'ils sont connus et rapportés, c'est-à-dire ces textes, faisant état du fait que les croyants verront leur Seigneur souverain le jour de la résurrection. Et qui n'ont cessé d'être mentionnés par les ulama et autres spécialistes du fiqh. Apportez-nous donc leur équivalent de preuve, appuyant votre prétention par laquelle vous rejetez ces récits. Et vous ne pourrez en vérité jamais le présenter. Vous saurez donc, si Allah le veut, que les récits transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ainsi que les règles qu'ils ont émises et les récits qu'ils ont transmis, ne peuvent être remis en cause que par ces mêmes récits et chaînes de transmission, avec ce qu'ils contiennent comme variantes. En effet, ils constituent le seul moyen d'atteindre ce but et représentent la voie qui fut empruntée par les musulmans, Ils sont leur guide dans leur religion après le livre d'Allah. C'est d'eux qu'ils puisent leur savoir. C'est-à-dire que les musulmans puisent leur savoir religieux de ces textes-là. C'est d'eux qu'ils puissent leur savoir. Par eux qu'ils émettent leur jugement et établissent leur peine légale. Et c'est sur eux qu'ils se basent. En réalité, ils sont tels des parures par lesquelles ils s'embellissent. Ils les héritent les uns des autres et le présent parmi eux les transmet à l'absent, argumentant avec et recherchant par cela la récompense d'Allah. Ils les appellent les sunan et les athar, le fiqh et le savoir. Donc ça te montre ici la place qu'occupent ces textes-là dans le cœur des adeptes de la sunna. L'imam al-Darimi nous continue en disant, ils voyagent d'Orient en Occident à leur recherche. Par eux, ils déclarent licite ce qu'Allah a rendu licite et illicite ce qu'il a rendu illicite. Par leur biais, ils différencient le vrai du faux, ce qui fait partie de la sunna, de ce qui relève de l'hérésie. Ils y puisent également l'essence du livre d'Allah et ses règles. C'est à travers eux qu'ils connaissent l'égarement de celui qui s'éloigne de la bonne direction. En effet, celui qui s'en détourne, ce sera certes détourné des traces des pieux prédécesseurs et de leur voie, et aura cherché à en déroger afin de prendre sa passion pour religion et d'interpréter à sa guise le livre d'Allah en désaccord avec le sens qu'Allah en a voulu. Si vous êtes donc du nombre des croyants et que vous suivez la voie de leurs ancêtres, recherchez le savoir dans le patrimoine qu'ils ont légué et la bonne direction dans sa propre voie. Acceptez-le comme imam de la même manière qu'ils l'ont fait, car par celui qui m'a donné la vie, vous n'êtes ni plus savant qu'eux à propos du livre d'Allah, ni ne les égaler. Et il n'est pas possible de les suivre sans suivre ces traces qu'ils ont laissées, comme elles ont été rapportées. Quant à celui qui ne les accepte pas, c'est qu'en réalité il cherche à suivre autre que le chemin des croyants. Or Allah a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui soit clairement apparu, et suit un chemin autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans la géhenne, et quelle mauvaise destination. Le deuxième texte contient cette parole de l'imam Ibn Qudam, que l'on trouve dans le livre Dhamm al-Ta'wil, que l'on a déjà cité à plusieurs reprises précédemment. L'imam Ibn Qudam a dit, l'obligation de suivre les salafs est établie par le livre, la sunna et l'unanimité des ulama. Le raisonnement analogique l'appuie aussi. Cela car ils ont soit vu juste, soit se sont trompés. Donc dans leur discours qu'ils ont tenu, dans la doctrine à laquelle ils ont adhéré, dans la voie qu'ils ont suivie. Les pieux prédécesseurs de cette communauté ont soit vu juste, soit ils se sont trompés. Or s'ils ont vu juste, c'est que leur suivi est obligatoire. Car suivre la vérité est obligatoire. Tandis que suivre le faux en termes de dogme est interdit. Et s'ils ont vu juste, c'est qu'ils sont sur le droit chemin. Et que ceux qui divergent avec eux suivent le chemin de Satan, qui ne fait que guider vers l'enfer. Or Allah a ordonné de suivre son chemin et sa voie, et a interdit de suivre autre qu'eux. Et ce, en disant, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Certes, ceci est ma voix dans toute sa rectitude, suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous en écarteraient. Voilà ce qu'il vous enjoint, afin que vous atteigniez la piété. Surat al-An'am, verset 153. L'imam Ibn Qudam a de continuer en disant, quant à ceux qui prétendent qu'ils se sont trompés, la deuxième éventualité, concernant nos pieux prédécesseurs, et la voie qu'ils suivaient. Soit ils ont vu juste, soit ils se sont trompés. S'ils ont vu juste, c'est que tu te dois obligatoirement de les suivre. Quant à ceux qui prétendent qu'ils se sont trompés, ils portent en réalité atteinte à l'essence même de l'islam. Car s'il est concevable qu'ils se soient trompés dans ce domaine, alors il l'est tout autant dans l'ensemble des domaines de la religion. Il ne conviendrait alors pas de mentionner les informations qu'ils ont rapportées, ni d'affirmer les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont transmis. Et c'est ainsi que la transmission deviendrait vaine et que la religion se perdrait. Or, il n'est permis à aucun musulman de prononcer ou même de croire cela. Donc, il n'y a pas de doute que la seule éventualité possible est qu'ils ont vu juste. Et que la seconde éventualité, en réalité, n'a pas lieu d'être mentionnée, étant donné qu'elle est nulle et non avenue. Et à partir du moment où il est établi qu'ils ont vu juste, c'est qu'il est obligatoire de les suivre. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari de continuer en disant, et comme je l'ai dit, les preuves sont nombreuses. Ce que nous venons d'aborder, ça concerne donc le jugement religieux relatif au fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Concernant le fait de s'affilier à leur voie, le Cheikh a dit, tu t'es certes rendu compte, toi qui es comblé de réussite, que leur suivi est obligatoire et qu'il n'y a pas de moyen d'y déroger. Le fait de s'y affilier est donc un honneur pour toi. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait à ce sujet, point de reproche à celui qui mettrait en évidence la voie des salafs, s'y affilierait et s'y référerait. Il est même obligatoire à l'unanimité d'accepter cela de sa part, car cette voie n'est que vérité. C'est une parole très forte et importante d'Ibn Taymiyyah qui disait, point de reproche à celui qui mettrait en évidence la voie des salafs, s'y affilierait et s'y référerait. Il est même obligatoire à l'unanimité d'accepter cela de sa part, car cette voie n'est que vérité. Et si tu observes attentivement, cher bien-aimé, les recommandations des imams, tu trouveras qu'ils incitent au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, et qu'ils réprouvent le fait de s'en écarter. On compte parmi les dites recommandations ce que l'imam al-Awza'i, l'imam des habitants du Sham, a dit. Al-Sham, c'est ce qu'on appelle la Grande Syrie. Endure sur le chemin de la sunna et arrête-toi là où se sont arrêtés ceux qui t'ont précédé. Prononce le discours qu'ils prononçaient. Abstiens-toi face à ceux dont ils se sont abstenus et emprunte le chemin de tes plus prédécesseurs car ce qui leur convenait te convient également. Il a également dit, suis les traces des salafs, même si les gens te rejettent et méfie-toi des avis personnels des hommes et ce même s'ils te les embellissent par la parole. Car l'affaire s'éclaircira forcément un jour ou l'autre, alors que tu seras sur une voie droite. L'imam Abu Uthman, Ismail al-Sabouni, a dit dans l'Aqidat al-Salaf, ou Ashab al-Hadith, ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons qui sont comparables aux étoiles. Ils suivent également l'exemple des pieux prédécesseurs parmi les imams de la religion et les ulama des musulmans. Et ils s'attachent à ce sur quoi ils étaient cramponnés comme religion forte et vérité évidente. Donc l'imam Abu Uthman, Ismail al-Sabouni a dit cela dans son livre Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith en exposant la voie, la doctrine, le dogme des pieux prédécesseurs de cette communauté et des adeptes du Hadith. L'imam al-Barbahari a dit dans Sharh Sunna, la base à laquelle nous nous référons est constituée par le groupe uni sur la vérité. Al-Jama'a. Il est formé par les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. Celui qui ne prend pas d'eux s'est donc égaré et a innové en religion. Or toute hérésie est égarement. Or toute hérésie est égarement. Le Cheikh de continuer en disant, et je clôturerai le sujet par une belle et forte parole de notre Cheikh, l'érudit Zayd ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Telle est donc l'invocation formulée par le Cheikh lorsqu'il écrivit son livre. Et quant à nous, à présent, nous disons qu'Allah lui fasse miséricorde. Allahu al-musta'an. Une réponse donc qu'il donna en réponse à une longue question qui débuta par certains disent pourquoi nous réclamons-nous de la salafiyya et pas du muhammadisme, la muhammadiyya, en référence au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, qu'Allah lui fasse miséricorde, en disant, nous lui disons, c'est-à-dire au questionneur, le reproche que tu adresses, car en réalité la question était plus longue que cela, et elle contenait certainement un reproche adressé aux salafis. Donc le cheikh a dit, le reproche que tu adresses à celui qui met en évidence la voie des plus prédécesseurs et s'y est référé est nul et non avenu. Or ce qui t'a poussé à faire ce reproche est soit ton énorme ignorance relative à la salafia authentique et à la connaissance des salafis, portant le livre et la sunna parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui étaient sur leur voie parmi les imams du savoir et de la prédication, et faisant partie des générations privilégiées dont la supériorité a été attestée. Soit tu cherches à faire croire aux étudiants en savoir religieux que la salafia n'est qu'un groupe ou une organisation créée par Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il convient d'éloigner et à laquelle il n'est pas permis de s'affilier. Or la vérité est qu'il n'est permis à personne de donner tort à celui qui s'attribue au salaf et à la salafia. Ainsi il n'est pas correct de critiquer celui qui dit « je suis salafi, ma croyance c'est la salafia ». Il est plutôt obligatoire d'accepter cela de lui selon l'unanimité des savants, des ulama, pédagogues et de leurs élèves. Cela car la voix des salaf ne peut être que vérité. Quant à la salafia, qui est une attribution nominative au salaf, c'est une appellation qui à aucun moment n'a été distincte de la communauté islamique. Elle en est plutôt le summum. Et elle est différente des autres affiliations se référant aux groupes et organisations sectaires tels que le parti des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimoun, ou le groupe des Tablir, et ceux qui sont de leur acabit parmi les voix qui ont déjà été évoquées. Quant à la parole de cet opposant à la croyance salafi et à ses adeptes salafi, demandant pourquoi on ne dit pas la Muhammadiyya, nous disons, voilà une ruse de sa part à l'encontre de la masse, du même genre que ce qui a pu être précédemment cité. En effet, il est dit de la communauté tout entière qu'elle est mohammedienne, dans le sens où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est son prophète. Or, cette communauté est de deux sortes. Une communauté formée de ceux à qui l'appel de l'islam est adressé, ce que l'on appelle ummatud da'wa, la communauté formée de ceux à qui l'appel de l'islam a été adressé, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Et la communauté formée de ceux qui ont accepté cet islam, ce qu'on appelle Ummatul Ijaba, et qui a une portée plus restreinte, et qui quant à elle, n'inclut que les musulmans. Cette dernière communauté, dans le sens de la communauté de, formée de ceux qui ont répondu favorablement à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette dernière s'est divisée en 73 parties, tous sont en enfer sauf un, et c'est celui qui chemine sur la voie que le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ridwanullahi alayhim avaient emprunté. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont donc les salafs. Quant à celui qui viendrait après eux, qui emprunterait leur voie et suivrait leurs traces, il est de ce fait compté parmi eux, et il est dit de lui qu'il est salafi, et de sa croyance qu'elle est salafi. Enfin, je te conseille, cher bien-aimé, donc, fin de citation, le cheikh de continuer en disant, enfin, je te conseille, cher bien-aimé, de consulter les livres de la sunna, car tu y trouveras d'innombrables textes qui confirment ce que je viens de rappeler comme recommandation visant l'attachement à la voie des salafs et la mise en garde relative au fait de s'en détourner. C'est certes Allah qui prodigue la réussite. Nous en arrivons au point suivant, au chapitre suivant, concernant les mérites résidant dans le suivi des salafs et de la salafia. Celui qui s'attellera, celui qui s'attachera, qui s'affairera à suivre véritablement la salafia authentique, c'est-à-dire la voie des salafs, avec véracité, aura obtenu le bien dans sa totalité, ainsi qu'une immense récompense, car il aura suivi la direction indiquée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses mérites et vertus, premièrement, l'individu qui aura accompli cela aura en réalité suivi l'ordre divin, chose qu'Allah aime et agrée. Cela étant donné que l'adoration est un terme générique, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et actes, qu'ils soient apparents ou intérieurs. À partir de là, celui qui se sera conformé à l'obligation précédemment citée et relative au suivi des pieux prédécesseurs, aura suivi l'ordre d'Allah, et celui qui aura fait cela sera aimé d'Allah, car il aura suivi sa charia. Deuxièmement, parmi ses mérites et vertus, celui qui s'y sera attaché aura obtenu, aura pris la bonne direction et aura obtenu le salut face au détournement et à l'égarement. Cela est également une chose claire que prouve ce qui est recueilli dans l'authentique de Muslim, qui est rapporté par Jabir, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du pèlerinage d'adieu, je vous ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarerez pas tant que vous y serez cramponné, le livre d'Allah. Le cheikh de dire, je pose la question, que trouvons-nous dans le livre d'Allah? Nous y trouvons l'ordre de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs. Nous avons d'ailleurs pu en citer précédemment les preuves. Parmi elles, on compte également le fait qu'Allah a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah abondamment. Sourate Al-Ahzab, verset numéro 21. L'imam Ibn Kathir a dit en commentaire de ce verset est une preuve fondamentale de l'obligation de se conformer au modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, actes et manières. Ainsi Allah, pureté à lui, ordonne aux gens de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exemple dans son attitude lors du siège des coalisés. Lorsqu'il s'arma de patience et défendit Médine contre toute incursion ennemie avec ferveur et espoir en la délivrance venant de son Seigneur souverain. Retournez à Tafsir al-Qur'an al-Azim d'Ibn Kathir. Troisièmement, parmi les mérites et vertus résidant dans cela, celui qui s'y attachera obtiendra la sûreté et la protection face aux dangers des divergences et dissensions réprouvées. Les textes des deux révélations, quand on parle des deux révélations, on vise par là le Qur'an, le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Qur'an ainsi que son équivalent m'ont été attribués, visant par là la sagesse, à savoir la sunna. Et il est rapporté, certains de nos pieux prédécesseurs qui disaient que Jibril se présentait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation du Qur'an, tout comme il se présentait à lui avec la révélation de la sunna. Et la distinction entre les deux, suite à cela, est claire, est connue. Les textes donc des deux révélations, chers bien-aimés, incitent au fait de s'unir et d'être en accord sur, par et pour la vérité. Sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. C'est là quelque chose d'important sur lequel nous avons insisté précédemment. Le fait d'être en accord, uni, sur la vérité. Par la vérité, en ayant recours à des moyens conformes au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des plus prédécesseurs de cette communauté. Et pour la vérité, sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en ne cherchant que sa noble face et sa récompense dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas, surat Al-Imran, verset numéro 103. Il a également dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Ne soyez pas du nombre des polythéistes parmi ceux qui ont émietté leur religion et se sont divisés en parties. Surat al-Rum, versets 31 et 32. De plus, il est mentionné dans le hadith d'Al-Irbad qui a précédé, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. C'est comme s'ils avaient dit, comment se préserver au messager d'Allah? Et qu'il leur répondit, soyez donc fidèles à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Et nous allons en donner un aperçu, si Allah le permet, lorsque nous aborderons les traits et caractéristiques de cette voie bénie. L'imam al-Baraoui disait dans Sharh al-Sunnah, Allusion est faite à l'apparition des hérésies et des passions. Et Allah est plus savant. Il ordonna donc de rester fidèle à la sunna et à la sunna des califes, bien guidés, et de s'y accrocher de la plus forte des manières en s'écartant de ce qui est inventé en religion et qui l'a contredit. Parmi les mérites et vertus en question, quatrièmement, la libération des chemins sataniques. L'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi disait dans son livre « Sunna » Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en écarteraient. Voilà ce qu'il vous enjoint. Voilà ce qu'il vous commande. Sourate Al-An'am, verset numéro 153. Allah nous a donc informé du fait que sa voie est unique et droite, tandis que les chemins qu'il obstrue sont nombreux, empêchant ceux qui les auront suivis d'emprunter cette voie droite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci cela dans sa sunna. Il mentionna, c'est-à-dire Al-Marwazi, à cet effet la chaîne de transmission du hadith de Abdullah ibn Mas'ud, recueilli entre autres par l'imam Ahmed, et qui est authentique. Hadith dans lequel il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait. Un jour, il était avec ses compagnons et il a tracé un trait au sol et il a dit « Ceci est la voie d'Allah ». Puis il traça de part et d'autre de ce dernier plusieurs traits. C'est-à-dire, il a tracé un long trait au sol, un trait long, rectiligne, et il a dit « Ceci est la voie d'Allah ». Et de part et d'autre de ce long trait, il a tracé plusieurs traits. C'est-à-dire des petits traits. Et il a dit, et ceux-ci sont des chemins à la tête de chacun d'eux, et posté un démon qui y appelle. Puis il récita le verset, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Certes, ceci est ma voix dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en écarteraient. Voilà ce qu'il vous enjoint afin que vous atteigniez la piété. Il énumère ensuite certaines versions du hadith et dit, Allah puis son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont donc mis en garde contre les inventions en religion et contre les passions qui obstruent le suivi de son commandement et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Ce hadith prouve clairement que celui qui s'attache à la voie prophétique sera à l'abri du piège constitué par les voies de Satan et protégé des chemins de l'égarement auxquels il appelle. Quant à celui qui s'éloigne du chemin des croyants, il tombera certes dans ses filets. C'est à Allah que nous demandons la protection. L'imam Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Al-Fawa'id, lorsque les gens se sont détournés de l'application du livre et de la sunna, qu'ils ont cessé de les prendre comme référence à propos de leurs litiges, lorsqu'ils ont considéré qu'il ne suffisait pas de se limiter à eux et qu'ils se sont tournés vers d'autres avis, ainsi que vers le raisonnement logique, les estimations personnelles et les discours de leurs leaders, leur nature première a été altérée, leurs cœurs assombris et leurs intelligences et intellects atteints. En somme, ces états d'esprit les ont aveuglés et vaincus, à tel point qu'ils animèrent jeunes et vieux qui finirent leurs jours sans pour autant se rendre compte qu'ils étaient blâmables. Puis, d'autres gouvernements prirent le pouvoir et firent succéder les hérésies aux traditions prophétiques. L'intérêt personnel à la raison, la passion à la lucidité, l'égarement à la bonne direction, le blâmable au convenable, l'ignorance au savoir, l'ostentation à la sincérité, le faux au vrai, le mensonge à la véracité, la complaisance trompeuse au conseil mutuel et sincère, l'injustice à la justice. Ainsi cet état se dressa, ou ces états se dressèrent, alors que ces turpitudes y étaient ancrées, et que ceux qui les commettaient étaient les mieux considérés et appréciés. Quant à toi, si tu vois une contrée sur laquelle ces menaces se sont abattues, que l'étendard de ces dernières a été dressé et que leurs armées ont été lancées, sache alors que ce qui est sous terre est préférable à ce qui est à sa surface. Que les hauteurs des montagnes valent mieux que les vastes étendues, et que les compagnies des animaux sauvages est plus sûre que celle des hommes. Fin de citation. Cela te montre la gravité de la chose. Et bien qu'il y ait certainement une certaine emphase dans les propos d'Ibn al-Qayyim, il te montre, ça te montre la gravité de la chose et l'importance à accorder à ce sujet-là. Et à quoi tu dois te préparer si tu es résolu à suivre cette voie qui est la seule voie qui te mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites et les vertus en question, nous en arrivons au cinquième point. Celui qui s'y attache bénéficie de la récompense de celui qui le suit. L'imam Muslim a recueilli d'après Jarir ibn Abdillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est l'instigateur d'une bonne sunna dans l'islam bénéficiera de sa récompense et de la récompense de ceux qui l'appliqueront sans que cela ne diminue quoi que ce soit des récompenses de ces derniers. Ce hadith met en évidence la grande récompense réservée à celui qui fait revivre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons ridwanullahi alayhim et des plus prédécesseurs de cette communauté. Il invite en autrui tout en étant suivi dans cela. C'est ainsi qu'il bénéficie de la récompense de celui qui l'aura suivi sans que la récompense de ce dernier ne diminue. L'érudit al-Nawawi a dit dans Sharh Muslim: il s'y trouve l'incitation au fait d'être devancier dans l'accomplissement du bien et au fait de revivifier les bonnes pratiques religieuses, de même qu'on y trouve la mise en garde visant le fait d'inventer des choses viles et mauvaises. Sixièmement, celui qui s'y attache obtiendra le bonheur dans les deux demeures. La cause de ce bonheur est qu'il se sera soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à celui à qui Allah a adressé la menace suivante: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous la mènerons aveugle au rassemblement. Surat Taha, verset numéro 124. Qu'en est-il donc de celui qui s'est attaché à la sunna? S'en est-il détourné ou en est-il le suiveur? Celui qui s'y attache est suiveur, il ne s'est pas détourné. Il est plutôt de ceux qui se rappellent Allah et suivent son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les délices éternels lui sont promis, de même qu'une large récompense. Allah l'exalté a dit: tilka hududullah, wa man yut'i Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. Telles sont les limites établies par Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Surat An-Nisa, verset numéro 13. Il a également dit, subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Puis si vous vous querellez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est bien mieux et de meilleur aboutissement. Surat An-Nisa, verset numéro 59. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait dans son livre At-Tabukiyya, en commentaire de ce verset: cela prouve que l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que le fait de s'en référer à eux en matière de jugement sont la cause du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quiconque analysera la situation du monde et les turpitudes qui s'y trouvent saura que la cause de tout mal sur terre a pour source la désobéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de son obéissance. Tandis que tout bien qui y réside a pour origine l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, concernant les tourments de l'au-delà, ses affres et son châtiment, ils ne sont que les conséquences du fait de déroger à son obéissance. Ainsi, les mots d'ici-bas et de l'au-delà prennent leur origine dans le fait de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam et dans ce qui en découle. En effet, si les gens avaient obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, il n'y aurait aucun mal sur terre. Et de la même façon que cela est valable à grande échelle, concernant les différents maux et catastrophes, c'est également valable pour tout mal, douleur ou affliction que subit l'être humain dans sa propre personne. Car cela n'a pour cause que le fait qu'il ait dérogé au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela étant donné que son obéissance constitue la forteresse dans laquelle quiconque s'introduit est en sûreté, et l'antre où celui qui s'y réfugie est sauvé. On comprend donc que les maux de ce bas monde et du jour dernier sont issus de l'ignorance relative au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'infraction qui lui est faite. Et tout cela est une démonstration flagrante prouvant que le serviteur ne connaîtra ni le secours, ni la félicité, si ce n'est par l'assiduité à son apprentissage, ainsi qu'à sa mise en pratique. Fin de citation de ces propos d'Ibn al-Qayyim dans At-Tabukiyya. Cependant, il est un point important à soulever, ainsi qu'un rappel, et le rappel profite aux croyants. Ce n'est pas tous ceux qui prétendent à la salafie qui sont véridiques. On a parlé de l'obligation de suivre la voie des salafs, des pieux prédécesseurs de cette communauté, l'obligation de s'affilier à leur voie. On a abordé également les mérites et vertus qui résident dans cela. Et il est un point important à soulever, qui constitue un rappel, et le rappel profite aux croyants. Ce n'est pas tous ceux, ou ce ne sont pas tous ceux qui prétendent la salafie qui sont véridiques. Et ceci, mes bien-aimés, n'est pas du repli sur soi par Allah, non. Mais celui qui s'en réclame se doit d'œuvrer par ce qu'implique cette noble appellation. Tel qu'être fidèle à la voie droite. Je dis cela car nous voyons et entendons ceux qui s'affilient forcément à la salafie alors qu'ils en sont à l'opposé. Et c'est aussi bien au niveau de la voie qu'ils suivent que des fondements auxquels ils adhèrent et des questions d'ordre secondaire dérivant de ces derniers, c'est-à-dire de ces fondements. Parmi les choses surprenantes, l'utilisation que font certains menteurs d'un certain nombre de qualificatifs trompeurs afin de dénigrer cette noble appellation. À titre d'exemple, ce qu'ils appellent al-salafiyya al-jihadiyya, le salafisme djihadiste. Ou encore al-salafiyya al-ilmiyya, le salafisme scientifique. Ou encore al-da'wat al-salafiyya lid-da'wati wa al-qital, le groupe salafiste de la prédication et du combat. Et d'autres qualificatifs y faisant référence, mais qui sont tous des symboles représentant les partisans des idéologies déviantes et des hérésies, l'un emboîtant le pas de l'autre. Un certain nombre d'égarés, de sectaires, se sont mis à utiliser ce mot pour embellir leur voix, d'une part, et d'autre part, salir la réputation de la salafia authentique. Il ne faut donc pas se laisser duper par ces appellations-là, car c'est la réalité des choses qui doit être prise en considération. Et ce qui est pris en compte, c'est la réalité des choses, et non pas les noms qui lui sont donnés. Si le nom est en accord avec ce qu'il désigne, alors c'est là ce qui est recherché. Mais si c'est une simple appellation et que, au final, la réalité de la chose n'est pas en conformité, alors cela n'a plus aucune valeur. L'imam al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Ô fils d'Adam, ne sois pas trompé par le discours de ceux qui disent que l'homme est avec ce qu'il aime. » Pourtant c'est un hadith. C'est la partie d'un hadith unanimement reconnu authentique. Cependant, certaines personnes le prennent comme argument tout en contredisant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et actes, voire dans sa croyance, si tu cherches bien. C'est ce qui est visé par l'imam al-Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit donc, ne sois pas trompé par le discours de ceux qui disent que l'homme est avec ce qu'il aime. En effet, quiconque aime des gens suit leurs traces. Tu ne rejoindras donc les rangs des pieux que lorsque tu auras suivi leurs traces et que tu auras pris leur direction, que tu auras pris exemple sur leur manière de cheminer, que tu n'auras atteint le matin ni le soir qu'en étant dans cet état d'esprit et que, motivé à l'idée d'être parmi eux, tu empruntes leur chemin et ce, même si tu es déficient. Car l'important dans l'affaire est que tu fasses preuve de droiture. N'as-tu pas vu les juifs, les nazaréens et les partisans des passions et idéologies viles aimer leurs prophètes? Les juifs et les chrétiens ne prétendent-ils pas cela? Les nazaréens? Le terme chrétien, ça désigne les, ce qu'on appelle en arabe al-masihiyoun. Et ce n'est pas correct en réalité d'utiliser ce terme-là. Quand on dit masihi, ça affinit ce que l'on, ce dont on parle au Messie. Et cette affiliation-là était valable à son époque, pour ceux qui l'ont suivi jusqu'à l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais à notre époque, ceux qui se réclament de Isa, fils de Maryam, en réalité, ne suivent pas sa voie. Il n'est donc pas correct de les affilier à ce dernier, alayhi salam. Et le terme qui correspond le mieux au terme Nasrani, c'est ce qui fait référence justement à la région et à la contrée en question, à savoir ce que l'on appelle en français donc Nazareth. Et le terme en question, c'est Nazaréen. Donc les Juifs et les Nazaréens ne prétendent-ils pas cela? De même que ceux qui suivent leur passion et idéologie. Tu les vois prétendre cela, mais ne pas être avec eux. Cela parce qu'ils les ont contredits dans leurs paroles et actes, et qu'ils ont suivi autre que leur voie. Leur abreuvoir sera donc le feu. C'est auprès d'Allah que nous cherchons à être protégés de cela. On peut retrouver cette parole d'Al-Hassan dans Sharh Thulathiyat Al-Imam Ahmed Al-Safarini. L'imam Ibn Al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: lorsque le nombre de ceux prétendant aimer Allah s'est multiplié, il fut exigé d'eux de prouver la véracité de leurs prétentions. Car s'il était accordé aux gens tout ce qu'ils réclament, l'esprit tranquille prétendrait l'affliction de l'éprouver et les prétendants afflueraient lors des requêtes. Il fut donc dit, cette prétention n'est acceptée qu'à condition d'être appuyée par une preuve évidente. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Surat Al-Imran, verset numéro 31. Tout le monde s'est alors rétracté et ne sont restés fermes que les suiveurs du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, actes et manières. Fin de citation. L'imam al-Mudhaffar al-Sam'ani, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, de même que le citant l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme on peut le trouver dans Sawn al-Mantiq, car le suivi nous a été ordonné et nous y avons été invités, tandis que l'hérésie nous a été interdite et nous en avons été dissuadés. Or la devise des adeptes de la Sunna n'est autre que le suivi fidèle des pieux prédécesseurs, accompagné du délaissement de tout ce qui est nouveau ou inventé en religion. Donc à partir de ces différents textes-là, on se rend compte que ce ne sont pas tous ceux qui brandissent la devise qui sont pour autant véridiques. Et il faut donc accorder toute l'importance qui doit être accordée à la réalité des choses. À la réalité des choses et non pas uniquement les prétentions. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: nous ne visons pas seulement par les adeptes du hadith ceux qui se contentent de l'écouter, l'écrire et le rapporter. Plutôt nous visons par eux quiconque serait plus à même de le mémoriser, le connaître, le comprendre et l'appliquer aussi bien de manière apparente qu'intérieure. Cela m'amène à vous raconter ce qui se déroula dans cette ville bénie. Et vous vous souvenez certainement que cette conférence, ce livret, Mahia Salafiya, na'am, à la base c'est une conférence qui a été donnée par l'auteur, le Cheikh Abdullah Al-Bukhari, dans la ville de la Mecque. Il a donc dit, cela m'amène à vous raconter ce qui se déroula dans cette ville bénie. La Mecque, qu'Allah l'anoblisse, au début du 14e siècle de l'Hégire, lorsqu'un groupuscule rebelle s'accapara la maison sacrée d'Allah pendant plusieurs jours. La mosquée de la noble Kaaba. Les membres de ce groupuscule rebelle s'étaient faussement autoproclamés salafis. C'est pour cela que notre cheikh, le grand savant, Mohammed Aman, qu'Allah lui fasse miséricorde, écrivit dans le mensuel de l'université islamique, dont il était le rédacteur en chef, le premier constat, après ce qui s'est passé, est de considérer cela comme une annonce que les troubles sont terminés, avec tout ce qu'ils auront véhiculé comme tristesse, angoisse et atrocité, et que la réjouissance et la satisfaction ont pris leur place. La réjouissance face au bienfait d'Allah, le bienfait d'avoir permis de purifier cette mosquée pure des actes perpétrés par les suiveurs imbéciles de Juhayman. Juhayman qui était le triste instigateur de cette initiative prise par ce groupuscule rebelle qui avait pris en otage la mosquée sacrée de la Mecque. Il est un point important auquel il convient d'être attentif. C'est le cheikh Mohammed Aman qui dit cela. En effet, ces jeunes imbéciles disaient de leur propre personne, dans ce qui m'est parvenu les concernant, qu'ils sont salafis. Quelle énorme parole qu'ils sortent de leur bouche, ils ne font que mentir. Et le fait qu'ils prétendent de cela est le résultat d'une de deux choses. Soit ils ne connaissent pas le vrai sens de la salafie, l'utilisation qu'ils font de ces termes est alors la conséquence de l'ignorance, et il se peut qu'elle soit aggravée. Soit ils ont visé par là la tromperie et l'égarement, et leur usage est alors le résultat d'une mauvaise intention afin de porter atteinte à ce nom bien-aimé qui désigne la première génération de cette communauté et ceux qui ont emprunté leur voie. Que le noble lecteur sache donc que les suiveurs de Juhayman ne sont pas salafis et ne sont pas aptes à la prédication. Ce sont plutôt des gens qui se font passer pour des salafis, prétendant la salafie et l'appel à l'islam, alors qu'ils sont loin de la réalité de l'islam. Qu'en est-il du fait d'y appeler? Fin de citation. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous disons de même concernant toutes ces personnes qui ont emboîté le pas à ce sombre individu et qui, au nom de l'islam et de la salafie, commettent des crimes, que ce soit en terre d'islam ou en terre occidentale, et qui viennent ensuite prétendre qu'ils sont salafis, à tel point que c'est devenu maintenant automatique. Dès que quelqu'un en vient, dès qu'il y a des attentats, dès qu'il y a un crime qui est perpétré, d'emblée cela est attribué aux salafistes, avant même qu'une enquête ait été menée. Et parfois, des accusations sont lancées, et ensuite, il s'avère qu'en réalité, cela n'a rien à voir avec les musulmans. Mais parmi les premières accusations, on trouve le fait que ce soit les salafis qui aient fait cela. À tel point que certains parmi les salafis en arrivent, dès qu'il y a un crime, à propager des communiqués pour dire que les salafis sont innocents de cela, les salafis se désavouent de cela, alors qu'à base ils n'ont rien à voir avec ça. Effectivement, dans certains cas, cela peut être judicieux et opportun lorsque, éventuellement, il risque d'y avoir une ambiguïté et un amalgame. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il va y avoir un crime qui va être perpétré que tu vas venir clamer ton innocence, alors qu'à la base tu es innocent et qu'on n'a pas à t'accuser. Et que les salafis sont ceux qui combattent le plus et de la manière la plus efficace ce fléau, le fléau du terrorisme. Et malgré cela, ils sont assimilés aux acteurs de ces crimes. Wallahu al-musta'an. Nous en arrivons au chapitre suivant concernant les signes distinctifs et grandes lignes de la voie salafie, de la salafie. Nous avons précédemment exposé la réalité de la voie droite que quiconque emprunte est sauvé, tandis que celui qui la délaisse est égaré et vautré dans l'ignorance. C'est à Allah que nous demandons la protection. C'est pour cela que cette voie et cet appel béni ont forcément des caractéristiques évidentes qui leur sont propres. En résumé, elles ne sont autres que celles de la voie et du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons lui ayant succédé. Parmi les signes distinctifs et particularités de cette voie et de ce prêche béni, premièrement la concrétisation de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la concrétisation de l'exclusivité du suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, l'observance minutieuse de la compréhension des pieux prédécesseurs, basée sur les preuves religieuses, ainsi que l'absence de dérogation à cela. Quatrièmement, la méfiance et la mise en garde contre l'hérésie et les hérétiques. Cinquièmement, le juste milieu de celui qui suivra cette voie entre l'exagération et le laxisme. Sixièmement, la fermeté sur la vérité. Septièmement, le vif intérêt porté à l'union et l'harmonie sur et par la vérité. Huitièmement, le rejet de la division et de la divergence. Neuvièmement, l'attention portée à la recherche du savoir utile et à sa diffusion dans les rangs de la masse, ainsi que le fait d'y appeler autrui en endurant face aux désagréments que cela peut comporter. Dixièmement, la mise en pratique de ce savoir. Et quiconque médite sur les textes des deux révélations, ainsi que sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rendra compte que les preuves de ces caractéristiques sont très nombreuses. Parmi les preuves qui les réunissent, un noble hadith qui est celui d'Al-Irbad ibn Sariya, que nous avons abordé plus d'une fois, et il y a un grand profit à tirer de cette répétition. Il a dit, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous adressait une exhortation qui fit frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous avons donc dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, fais-nous donc une recommandation. Il dit donc, je vous commande à la crainte et pieuse d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous gouverne est un esclave, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Soyez donc fidèles à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés, attachez-vous-y et mordez-la à pleines dents, et méfiez-vous des choses inventées en religion, car toute hérésie est un égarement. Analysons donc, qu'Allah te bénisse, les enseignements tirés de ce hadith concernant les caractéristiques de la voie salafie. Il s'y trouve la recommandation, ou plutôt le commandement, de la crainte pieuse d'Allah. Quiconque la réalisera, concrétisera donc l'adoration d'Allah. Il y a aussi le commandement du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans la réalisation de cela, la concrétisation de son suivi. On y trouve également le commandement et l'ordre de se conformer à la sunna des califs bien guidés, et dans l'application de cela réside l'observance minutieuse de la compréhension des prédécesseurs. On trouve dans ce hadith la mise en garde visant les hérésies, sachant que la prise en compte de cela implique la vigilance vis-à-vis des hérésies d'une part et de leurs partisans d'une autre. À retenir également que celui qui est fidèle ou qui est fidèle à la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, sera sur la voie religieuse du juste milieu entre l'exagération et la négligence. Nous trouvons également dans ce hadith la mise en garde contre la division et contre la divergence blâmable. Et ce, dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, verra de nombreuses divergences. Celui donc qui s'y conformera sera à l'abri de nombreux désaccords. En outre, cette directive prophétique inclut de manière explicite et implicite l'ordre de chercher à faire régner l'harmonie et d'être unis sur la vérité conformément à sa parole. Soyez donc fidèles à ma sunna et non, soyez donc fidèles à ma sunna, attachez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Il est connu, chers bien-aimés, que l'application de ces principes-là et la mise en évidence de ces repères ne sont possibles qu'à travers le savoir religieux bénéfique. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Le bien, le bonheur, la piété et la perfection résident dans deux choses, le savoir utile, al-ilmu al-nafi'a, et l'œuvre pieuse, al-amalu salih. » Parmi les preuves, chers bien-aimés, évoquant tout ou partie de ces signes distinctifs, premièrement, le fait qu'Allah l'exalté a dit, ordonnant de se cramponner à son puissant câble et mettant en garde contre le fait de le lâcher, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Surat Al-Imran, verset 103. Il a également dit, مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Revenez repentant vers lui, craignez-le pieusement, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les polythéistes. Parmi ceux qui ont imité leur religion et se sont divisés en parties, chacun exultant de ceux qu'ils détenaient. Surat Ar-Rum, versets 31 et 32. De même qu'il a dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Certes, ceci me vaut dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en écarteraient. Voilà ce qu'il vous enjoint afin que vous atteigniez la piété. Surat Al-An'am, verset 153. Il a également dit, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Tu n'as rien à voir avec ceux qui émiettent leur religion. Ils se divisent en diverses parties. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Sourate Al-An'am, verset 159. Les versets allant dans ce sens sont d'ailleurs nombreux. Le cheikh de l'islam disait, Allah lui fasse miséricorde, vous savez qu'on compte parmi les grandes règles qui constituent le fondement de la religion, l'union des cœurs, l'unité du discours et la bonne entente mutuelle. Puis il cita certains versets et dit, ainsi que d'autres textes qui appuient ce sens et qui ordonnent l'unité et l'harmonie et condamnent la division et la divergence. Les adeptes de ce fondement constituent le groupe uni sur la vérité. Quant à ceux qui en dérogent, ils sont partisans de la division. Et nous avons vu précédemment, justement à travers les paroles d'Ibn Taymiyyah, que la sunna est intrinsèquement liée à l'unité, alors que l'hérésie est intrinsèquement liée à la division. Il a dit dans un autre passage, c'est pour cela que les membres du groupe sauvé ont été décrits comme étant les adeptes de la sunna et les membres du groupe unis sur la vérité. Et ils représentent la grande majorité, tandis que les autres groupes sont les partisans de l'incohérence, de la division, des hérésies et des passions. Quand on parle de la grande majorité ici, c'est dans le sens où les adeptes de la sunna, au final, de par leur attachement à la vérité, sont ceux qui ont pignon sur rue, même s'ils sont minoritaires. Même s'ils sont minoritaires. C'est ça qui est voulu ici. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Ils sont majoritaires de manière qualitative. Bien qu'ils soient minoritaires, en termes quantitatifs. C'est là une nuance et une subtilité que l'on doit bien comprendre, car certaines personnes pensent que quand on parle de grande majorité dans ce contexte-là, ça voudrait dire que les adeptes de la sunna, au final, sont majoritaires. Et ils se basent sur cela pour inclure dans la sphère de la sunna ceux qui n'en font pas partie, surtout à notre époque. Méfiez-vous des discours de certaines personnes qui, de manière explicite ou implicite, appelle à inclure dans la sphère de la sunna des gens qui n'en font pas partie. Il parle de al-manhaj al-wasi' al-afyah alladhi yas'u ahl sunna wa yas'u ghayrahum. Comme c'était le cas d'un certain égaré déviant qui disait, nous voulons une voie large et ample qui convienne à la fois aux adeptes de la sunna ainsi qu'à autres que. Dans la réalité des choses, tu te rends compte que ce discours-là mène à quoi? Mène au fait de mettre de côté les adeptes de la sunna et de considérer comme adeptes de la sunna, fidèles à la sunna, ceux qui en réalité s'en sont écartés tels que l'Ikhwan al-Muslimoun et également les partisans du takfir, l'anathématisation, le fait de statuer de la mécréance des musulmans et également l'établir et autres parmi les groupes égarés contemporains. Il faut donc être vigilant à ce sujet-là, barakallahu fikum. Or, aucun parmi eux, parmi ces groupes-là, ne peut rivaliser avec le groupe sauvé. Ne parlons même pas du fait d'atteindre son rang. Il se peut même que certains d'entre eux soient dans la plus grande minorité. Quant à la devise de ces groupes, elle est la dérogation au livre, à la sunna et au consensus. C'est-à-dire l'unanimité, l'ijma'. Deuxièmement, citons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam recueillie par Muslim dans son authentique. Allah agrée pour vous trois choses et il en réprouve de votre part trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui attribuiez aucun associé, que vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et il réprouve de vous les ondits, l'abondance de questions et la dilapidation de l'argent. En plus de cela, l'imam Ahmed a recueilli dans Al-Musnad et que vous soyez d'un bon conseil à l'égard de ceux à qui Allah a donné de vous diriger. L'imam Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit de ce hadith dans At-Tamhid, il s'y trouve l'incitation au fait de s'attacher au câble d'Allah en situation d'union et de bonne entente, sachant que le câble d'Allah dans ce contexte est sujet à deux explications. Le livre d'Allah, et deuxièmement le groupe uni sur la vérité, sachant qu'il n'y a pas de groupe sans imam. Et pour moi, elles sont proches l'une de l'autre, étant donné que le livre d'Allah ordonne d'être uni et interdit d'être divisé. Puis il cite un certain verset que nous avons déjà mentionné précédemment. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Minhaj Sunnah, pour éclaircir la signification du câble d'Allah, son câble a été expliqué comme étant son livre, sa religion, l'islam, la sincérité du culte, son ordre, son pacte, son obéissance, l'union, tous ces sens sont relatés d'après les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Ils sont tous justes car le Coran, appelle à la religion de l'islam et ceci correspond à son pacte ainsi qu'à son ordre et son obéissance. Or le fait de s'y cramponner tous ensemble ne peut se réaliser qu'en étant unis. Quant à la religion islamique, son essence n'est autre que la sincérité du culte vis-à-vis d'Allah. Concernant ce hadith, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab disait « Il n'est aucune faille qui ne se crée dans la religion des gens ou dans leurs affaires terrestres sans que cela ne provienne de la transgression à ces trois choses ou à certaines d'entre elles. » On peut retrouver cette parole-là dans Durar al-Saniya, le volume 2 à la page 133. Parmi les textes pouvant être cités également, le fait qu'Allah a dit dans la sourate Al-Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et non pas celle de ceux qui sont objets de la colère ni celle des égarés. L'imam Ibn al-Qayyim, et certainement que l'on va s'arrêter sur cela, Et on essaiera de trouver un moment pour continuer, pour compléter la lecture. Il est peut-être plus sage de s'arrêter là. Sur ce verset de la sourate al-Fatiha. Et de trouver un moment pour compléter la lecture donc de cette traduction. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.